deuxième temps de notre série consacrée dans la fabrique de l'histoire à l'histoire des jeunes filles. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous nous sommes intéressés à l'histoire des jeunes filles du milieu rural de la première moitié du XXe siècle en Anjou et à la question du nom des jeunes filles et des femmes mariées. Demain, nous nous arrêterons sur le contrôle du corps et de la sexualité des jeunes filles au XIXe siècle et jeudi aux jeunes filles rebelles du XXe siècle. Et ce matin, c'est l'histoire d'une redécouverte dont nous parle le documentaire de Séverine Yattard et de Séverine Cassard, la redécouverte d'une jeune fille disparue avec toute sa famille en 1943 à Auschwitz, Lili Epstein, une jeune fille de Mulhouse dont le nom a été donné récemment, c'était en juin dernier, à une rue de la ville. C'est l'histoire racontée donc ce matin, les fleurs retrouvées de Lili Epstein par Séverine Yattard et Séverine Cassard, avec les témoignages de Doris Courtois, de Daniel David Gerson, de Jean-François Keller, d'Henri Metzger, de Marie-Claire Vitou et des élèves du lycée Schweitzer de Mulhouse. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site DMC pour l'hommage à Marie-Émilie dite Lili Epstein, dessinatrice de mode mulhousienne de confession juive, déportée et décédée au camp d'Auschwitz. Monsieur le maire a voulu mettre en avant les initiatives mulhousiennes qui ont pu émerger suite à l'exposition du musée de l'impression sur étoffe qui racontait ces histoires de femmes, des petites mains au grand nom. Vous allez assister à présent au dévoilement de la plaque qui se trouve près du bâtiment 62. Allez, on va dire 1, 2, 3. Émilie Epstein, 1920-1943, dessinatrice de mode mulhousienne de confession juive, déportée et décédée au camp d'Auschwitz. Voilà. Et on va laisser Elie Ayoun officier. El mole rachamim shochen bamerumim b'malom. Les fleurs retrouvées de Lili Epstein. Un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard. Lili Epstein Chenergou ושניש רטוב באושוויץ מיידלר. Alors, ça, c'est la petite valise où j'ai trouvé les dessins de Lili. Cette valise va être mise à Mulhouse parce que les archivistes ont trouvé que c'était très émouvant de la voir. Donc c'est une petite valise en carton, en hein, carton. Un peu peinte en marron. On devait faire ça à cette époque. À l'époque. Oui, oui. Avec des petites fermetures là. Oui. Ça là qui se clipe. Voilà. Et alors elle est un petit peu rouillée. Bien sûr. Voilà. Et alors vous, Daniel? Alors Daniel ou David Gerson? Les deux, ça m'est égal. David Daniel ou Daniel? Mes deux prénoms c'est David Daniel. Parce qu'en Alsace, on donne toujours le prénom du grand-père en premier. Il s'appelait David, donc voilà. Et donc, vous, cette malle, vous l'avez trouvée où et quand? Je l'ai trouvée, je pense, dans les années 2000 à peu près. Je sais que ma mère m'a montré une ou deux fois les dessins, mais elle refermait aussitôt ça, elle pleurait. C'est en fait une valise que la maman gardait précieusement. On ne pouvait pas ouvrir parce que c'était trop douloureux pour la maman. Doris Courtois. Dans cette valise, il y avait des photos, des documents, un presse-book de sa maman, etc. Et j'ai pu avoir accès à d'autres documents des archives nationales, le dossier de spoliation, où j'ai pu lire dans les comptes rendus d'une enquête à l'époque de Vichy, il fallait donc administrer les biens puisque les Epstein étaient arrêtés. Il n'y avait pas grand-chose dans l'inventaire des biens, rien de valeur. Par contre, il est mention d'une malle dans laquelle il y a des photos. Et je me demande si cette malle, c'est pas cette valise. Du coup, ce qui reste des biens, c'est tout ce que Marthe Gerson, la maman, a pu récupérer. Donc en fait, cette valise, voilà, contenait en même temps le trésor, c'est-à-dire ce que nous laisse Lily, une trace vivante, puisque ce sont ses dessins et c'est très touchant de découvrir cela, d'autant plus que les couleurs restent vives. Le 9 juin 2017, une rue Lily Epstein était inaugurée à Mulhouse, au cœur du nouveau quartier DMC, ancien site industriel de la société textile Dollfuss Mieg et compagnie. Le destin tragique de cette jeune fille morte à Auschwitz avec toute sa famille en 1943 est sorti de l'anonymat grâce à son cousin, Daniel David Gerson. À la mort de sa mère, il retrouve une valise avec une vingtaine de dessins, des fleurs peintes par Lily, jeune diplômée de l'école d'art professionnel passionnée par la mode. Émue par cette histoire, Doris Courtois, enseignante au lycée Schweitzer, entame des recherches autour de cette vie brisée et entraîne ses élèves dans l'aventure en montant un projet pédagogique interdisciplinaire avec sa collègue de français. Quand ma mère est partie, j'ai montré ses dessins à plusieurs amies, femmes, et elles m'ont toutes dit, mais tu sais, c'est... On ferait des robes avec ça, ça ne serait pas démodé. Daniel David Gerson. C'est des dessins extraordinaires. Ça mérite d'être connu. Voilà, montrer ça à un conservateur de musée, quelqu'un qui est spécialiste un petit peu de... Non, ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite. On m'a dit, il faut d'abord que tu vois le mémorial de la Shoah. Ils ont pris quelques photocopies. J'aurais remis le dossier. Mais ils ont tellement de documents qu'ils n'ont pas fait beaucoup cas de ça. J'ai été reçu par une adjointe du directeur qui a pris quelques photocopies, notamment du certificat obtenu par Lily à l'école de dessin de Mulhouse. Et ça en est resté là. C'est-à-dire, il n'y avait pas question de montrer les dessins. Voilà. Donc ça, j'étais un peu déçu quand même, parce que, évidemment, ils ont beaucoup de documents, donc c'est tout à fait normal qu'ils ne peuvent pas accepter tous les dessins. Je me mets à leur place, mais bon, ça n'a pas été très positif, disons, voilà. Et alors ensuite, j'ai une amie qui est maire adjointe d'un petit village d'Alsace, du Sud, Madame Drexler. Je l'ai aidée parce qu'elle a fait une maison du patrimoine dans son village, et j'ai pu y contribuer un peu. C'est un village qui m'est cher parce que ma grand-mère paternelle habitait dans ce village. Et quand j'étais gosse, j'allais passer mes vacances là-bas. Et elle me dit, elle a regardé les dessins, elle dit, tu devrais tenter le musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse où j'ai une amie qui travaille. Bon, je vais m'en occuper. Finalement, cette amie n'était pas intéressée non plus, elle n'a jamais donné suite à cette requête. Bon, un peu plus tard, je me suis dit, puisque cet employé ne répond pas, je vais m'adresser... Plus haut, je m'adressais au conservateur. En l'occurrence, c'était une dame, une conservatrice très sympathique. Et elle m'a bien reçue. Nous avons été déjeuner ensemble. Et puis, entre la poire et le fromage, elle me dit, écoutez, c'est très intéressant, c'est beau dessin. Mais je dois vous dire que je suis obligé de quitter le musée. Donc, je transmets le dossier à mon successeur. Au bout d'un an, j'avais toujours pas de réponse du successeur. Parce qu'il cherchait un successeur, il ne le trouvait pas. Bon, au bout de 2 ans, finalement, je rencontre M. Keller, qui a une empathie extraordinaire pour ses dessins. Et il m'a dit, pour l'instant, je ne peux pas les exposer parce que j'ai deux thèmes retenus pour les années qui viennent. Par contre, en 2015, il y aura Histoire de femmes et je vois très bien comment je peux placer les dessins de Lili Epstein. Jean-François. Au musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse, avec Jean-François Keller. On est au musée, oui. Le musée de l'impression sur étoffe, voilà. Un des plus vieux musées de la ville, puisqu'on a été créé par les dessinateurs, par les ateliers de dessin en 1857. Vous avez fait venir les dessins de Lili ? Je les ai fait venir, tout à fait, bon. Oui. J'ai envoyé un petit message hier soir, et puis on me les a déposés ce matin. Je ne ai pas fait tous venir, j'aurais demandé de faire une petite sélection pour que vous puissiez voir. Donc on a eu... une partie des dessins qu'elle a fait quand elle était à l'école d'art professionnel de jeunes filles. Et puis ce sont surtout des petits dessins destinés aux vêtements, puisqu'à cette époque-là, l'industrie mulhousienne était plutôt axée vers ce domaine-là. Et ils sont tout à fait typiques de ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire dans les années 30. Elle a fait surtout des fleurs, puisque un des motifs essentiels dans l'impression, c'est la fleur. On a eu beaucoup d'autres, mais ce qui se vendait quand même le mieux, c'est la fleur, qui probablement devait être destinée à l'impression sur soie. Je ne pense pas du tout que c'était pour du coton. C'est de la gouache. Hein. C'est de la gouache, oui, de la gouache. Il y en a qui sont assez amusants. Bon, celui-là, j'aime beaucoup. C'est une espèce de télégramme, message télégraphique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien quand ces dessins ont été faits. Est-ce que ce sont des dessins qui ont été faits pendant qu'elle était dans la scolarité ou est-ce qu'elle a continué après? Donc, on ne sait pas très bien. Monsieur Gerson les a trouvés, nous a appelés, nous les a proposés. Et la chance, c'est qu'il a appelé au bon moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, c'est-à-dire que j'ai préparé une exposition sur la femme. Et je parlais de l'école d'art industriel de jeunes filles, qui est une école très ancienne, qui a ouvert en 1885, et dont on conserve un certain nombre de dessins, mais bizarrement que les dessins... on a quelques dessins du début du XXe siècle, donc autour de 1900, et on a énormément de dessins des années 30, avec beaucoup de noms juifs. Mais j'avais jamais fait le lien jusqu'à ce que M. Gerson m'appelle et me dise que sa cousine travaillait, elle a fait cette école... Et là, subitement, on avait une vie derrière des dessins qui étaient destinés à faire des tissus. Et donc, moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça rendait le tissu vivant et ça montrait ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire des personnes qui vivaient, qui avaient un destin, qui restaient dans l'anonymat. Et en plus, souvent, les femmes qui faisaient ce métier, elles finissaient à cette époque-là, elles se mariaient. Elles arrêtaient. L'école avait été créée vraiment pour que les femmes puissent travailler. Et elles étaient vraiment destinées à être dessinatrices et graveurs. Mais là, on avait un exemple concret d'une jeune fille qui avait une vie, visiblement qui aimait la mode, puisqu'elle a fait essentiellement des dessins de mode. Et c'est tout ce qui est arrivé, parce qu'elle a certainement dû faire de la comptabilité aussi. Elle a dû faire du graphisme, elle a dû faire de l'écriture, et des reliures, parce qu'on les formait aussi à la reliure, etc. Donc elle a dû faire énormément de choses. Mais la seule chose qu'elle a visiblement emmenée avec elle et conservée, ce sont des dessins de textiles. Et puis j'étais très sensible aussi à la thématique... de la Shoah, en Alsace on a eu une histoire mouvementée aussi à cette époque-là avec des familles qui avaient des enfants qui étaient du côté français, des enfants qui étaient du côté allemand. Donc c'est, si vous voulez, il y a toujours eu cette espèce de dramatisation de cette histoire que ma grand-mère a vécue et donc on me la racontait étant enfant et donc j'étais très sensible aussi à cette thématique. Doris Courtois, vous êtes enseignante d'histoire, oui, au lycée Albert Schweitzer et aussi chercheuse, historienne. Alors, Doris, comment vous avez rencontré cette Lili Epstein, parce que c'est une histoire? J'ai pas envie de dire le hasard, parce que peut-être qu'il n'existe pas. Mmh. Au détour, en fait, d'une exposition en août 2016 au musée de l'impression. Il y avait une petite pièce un peu sombre. J'étais attirée par des luminosités un peu argentées. Et je rentre dans la pièce et je vois ce grand portrait de Lili et des dessins. Il y avait aussi la biographie affichée à côté de ce portrait. Et tout ça, je découvrais et j'ai lu plusieurs fois et j'étais même étonnée. Enfin, j'ai pas eu connaissance de tout ça avant. et j'étais très touchée. J'avais fait construire, parce que ça n'existait pas, une petite salle sombre dans laquelle les gens rentraient. Elle était toute noire et il n'y avait que la vitrine illuminée. Et il y avait l'image en grand de Lily quand elle avait 18 ans. Et j'avais fait mettre les dessins sur des pics en métal et je les avais fait attacher à différentes hauteurs, comme des pancartes. Et j'aimais l'idée du métal parce qu'au début, on voulait les suspendre dans l'espace, mais c'était trop compliqué. Et la personne avec qui je travaille, qui m'aide à réaliser les accrochages, quand j'ai vu les barres par terre, je lui ai demandé si je pouvais planter les barres dans le sol. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fort parce qu'il y avait cette espèce de violence de la barre qui rentrait dans le sol. Et ça faisait penser à des poteaux, ça faisait penser à beaucoup de choses. La matière était dure aussi. Et on a accroché les dessins à différents niveaux. Et puis, j'avais fait un petit texte sur l'histoire de Lily et j'étais très inquiet quand M. Gerson est arrivé. Et je me suis dit, comment va-t-il réagir? Et il est venu avec son fils, ils sont rentrés dans la salle, j'ai encore ému aujourd'hui, ils ont pleuré. Donc c'était très beau. Voilà. Ça a été en fait une rencontre à la fois heureuse et douloureuse. Douloureuse parce que j'étais touchée, vraiment. Heureuse aussi, puisque je décidais à ce moment-là qu'il fallait que je sache qui est Lily Epstein, cette Mulhousienne. Et voilà, c'est resté au fond de moi jusqu'à l'automne, quand j'ai repris mes classes et que le mémorial a fait une demande pour des classes candidates pour un voyage à Auschwitz. Donc, comme il fallait faire un projet pédagogique, c'était évident que j'allais entraîner mes élèves dans ces enquêtes, savoir qui est Lily Epstein. Connaître son parcours. Et là, vous contactez David Daniel Gerson. Et en décembre, oui. D'abord, je fais un mail à David. Puis, en fait, après, c'est une deuxième rencontre. Et en fait, après, les choses peu à peu se mettaient en place. C'est-à-dire, chaque document s'éclaire par l'autre qu'on trouve. Et j'ai pu évidemment avoir accès aux archives familiales que David Gerson a bien voulu me remettre pour l'étude, pour compléter tout ce qu'on n'avait pas par ailleurs. Par exemple quoi, Doris? Les photos familiales. On voit par exemple Lily et son frère à Urbès, dans le fond de la vallée de Tann, sur un pont, heureux, enfin jeune adolescent. Les photos, heureusement, dans le dos, il y avait toujours une date. Ou des photos montrant leur voyage en Suisse. On n'est pas étonné puisque le papa avait une voiture et sans doute ils allaient en voyage des petits week-ends. On les voit aussi Lily qui fait du ski, qui fait une pause devant un hôtel suisse. Voilà, ce genre de choses. Meilleur que mein Sohn, meilleur que mein Sohn, oui, meilleur que mein Sohn, si weißt du, par wem du stehst. Sie weißt du, vor wem du stehst. Ich nehme dich, mein Schei, am Loch im Tatenju. Ma mère me racontait, malheureusement, ils n'ont pas retrouvé ça. Napoléon Ier leur avait accordé à la famille Epstein et la famille Gerson, les deux familles, l'autorisation d'aller habiter à Mulhouse. Parce qu'à l'époque, les Juifs ne pouvaient pas habiter dans les grandes villes. Ils étaient cantonnés dans les villages des alentours. C'est pour ça qu'il y a tant de cimetières, tant de synagogues aux alentours des grandes villes. Et c'est seulement à partir de Napoléon qui a autorisé les Juifs à venir dans les grandes villes. Ils ont été implantés donc depuis très longtemps. Le judaïsme alsacien est d'abord, c'est une des zones, l'Alsace est une des zones où une de très forte présence juive. Hein. Toute la vallée rhénane, on a des communautés juives attestées à Cologne dès le 5e siècle. Hein. Marie-Claire Vitou, spécialiste d'histoire sociale à l'université de Haute-Alsace. Alors de fait, que ce soit d'ailleurs dans les États allemands ou que ce soit dans le royaume de France, leur situation à l'époque médiévale oscille entre la marginalisation, la ghettoisation et l'expulsion des villes. Hein. Donc, à l'époque moderne, on a ce recensement de 1784 qui montre en effet une présence juive autour des villages mulhousiens, hein, donc dans une sorte de couronne, de nébuleuse comme ça, avec des villages, communautés importantes à Flaxlanden, à Rixheim, où il y a le musée du papier peint, etc. Alors, en 1798, lorsque Mulhouse revient à la France, elle n'appliquait pas l'émancipation des Juifs, la loi de 1790 et 1791. Pourquoi ? Parce que c'est une communauté juive très pauvre, faites de petits maquignons, de petits prêteurs ruraux, puisqu'ils n'ont pas le droit à la propriété foncière. Et il faut attendre donc un an et demi plus tard pour que la loi mette fin à la tutelle juridique des Juifs alsaciens. Ce qui nous renvoie d'ailleurs sur un profond anti-judaïsme dans les campagnes. Bon, alors donc, ce qu'on constate, c'est qu'une partie de la communauté juive, de ces villages, quelques familles, quand je dis communauté, là je crois qu'il faut parler de famille, vont faire le choix d'aller en ville. Moi j'appelle ça l'aliya, hein, c'est-à-dire que la terre promise, ses mulouses, ses industries, c'est cette espèce de fin de toutes les réglementations de libre entreprise en quelque sorte. Et je dirais, comme le phénomène migratoire actuellement, ce sont les plus entreprenants, ou ceux qui ont un capital de sécurité familiale, peut-être un petit capital financier, qui vont tenter l'aventure, voilà. Et là, ils vont connaître une émancipation sociale, économique, c'est-à-dire qu'ils vont sortir du petit crédit rural pour devenir des commerçants de tissus, donc ils rentrent en contact avec les industriels, Dolphus Mig, Schlumberger, etc. Et la grande réussite sociale pour eux, c'est de devenir à leur tour producteurs de richesses. Donc la communauté juive, avec son urbanisation, a connu une émancipation sociale, économique et sociale absolument remarquable. Alors on est bien d'accord, il n'y a pas d'œcuménisme, hein, mais il y avait un partage des valeurs. La construction de la synagogue a été largement soutenue par la communauté protestante. Il y avait là un partage des valeurs économiques et politiques. Voilà, si William, tu trouves cette enseigne. L'enseigne de Jules Epstein. Alors, nous sommes aux archives municipales de Mulhouse, donc évidemment, ben, vos recherches se concentrent dans ce lieu. Peut-être pas uniquement, mais largement, j'imagine. Et là, vous avez sorti des archives. Oui. Bah, par exemple, j'ai trouvé en 1920, Jules, le père de Lily, demande à la municipalité mulhousienne l'autorisation de mettre au-dessus de sa maison, sur le pignon, ici dans le texte de Gittelseite, hein, donc sur le toit, l'enseigne pour faire connaître son négoce de chocolat suisse, Sprugli et Lind. Donc il était commerçant, représentant de cette grande maison qui est toujours très connue de Suisse, de Zurich. Et voilà ce que j'ai découvert, donc il a bien pu mettre cette enseigne dans cette rue. Et donc alors, ce Jules Epstein, vous arrivez à retracer sa généalogie? Les Epstein sont là depuis combien de temps, par exemple? C'est une famille ancienne. Sa maman s'appelait Hauser. Et j'ai découvert sur des fiches des familles Epstein-Hauser à Erlisheim, près du Rhin, à Sulz. Et on sait que ces familles sont établies depuis très longtemps en Alsace. En tout cas, ce qui est unique pour la génération Jules Epstein, c'est qu'ils se retrouvent à plusieurs familles dans cette maison. En fait, les grands-parents sont là. Donc, trois générations, les grands-parents, Jules fraîchement marié avec les grands-parents, et en 1920, Lily qui arrive, et son frère 2 ans plus tard. En fait, quand j'ai découvert ces pièces d'archives, évidemment, l'histoire n'est pas encore là. Il n'y a pas d'histoire encore. On lit tout ce qu'on peut trouver, on éprouve une joie d'enfant. Par exemple, l'enseigne, c'était une joie immense. On peut se faire une idée, du coup, aussi, dans quel état d'esprit Jules, qui commence son entreprise, là, son entrepôt de chocolat, eh bien, dans ses années 20, ils fondent une entreprise, une petite entreprise commerçante. Donc ça, ce sont des renseignements qu'on trouve dans ses livres d'adresses, dans ses annuaires de commerçants. Et Marie-Émilie Epstein, du coup. Alors, sa fille. Ce qu'on sait, Doris Courtois, c'est qu'elle a fait une école. Oui, 3 ans dans une école professionnelle à Mulhouse. Donc là, on est dans les années, elle est née en 1920. Elle est née en 1920 et elle a commencé ses études en 1936, 37, 38 pour avoir son diplôme. Donc une école de dessin pour l'impression textile à Mulhouse, c'est tout à fait normal puisque c'est une grande cité industrielle qui a beaucoup d'écoles qui ont été créées déjà au 19e siècle. Donc elle sort diplômée, mais on a aussi retrouvé aux archives municipales, sur les registres de l'école, ben, le nom et les bulletins de Lily Epstein. Voilà. Donc, alors, c'était une bonne élève qui était régulièrement présent, puisque l'absentéisme était quand même visé hein, par des cases à cocher. Donc, d'un beau niveau. Par contre, j'ai pas trouvé, il y a eu un prix, mais j'ai pas trouvé la trace de ce prix, ni savoir ce que c'est un premier prix, un deuxième prix. Je n'ai pas trouvé ça. Donc, c'était des promotions 25-30 filles. Dans les années 38 aussi, il y a eu des changements, puisque la formation, c'était pas que le dessin, c'était aussi la comptabilité et la sténographie. Et là, évidemment, c'est là qu'elle a appris la sténographie, puisque quand elle sera à Vichy, elle sera employée en tant que sténographe. Le travail de Doris a été de retrouver Lily dans sa singularité, et c'est vrai que c'est le destin d'une jeune juive alsacienne. Et de ce point de vue-là, peut-être c'est important de souligner qu'ils partent la fin août 39, donc avant l'évacuation, puisque donc peut-être, on l'ignore, en France de l'intérieur, comme on dit chez nous, c'était de l'autre côté des Vosges, il y avait un plan de l'état-major établi par la République, hein, la Troisième République, pour, en cas de guerre avec l'Allemagne, évacuer donc toute la bande côtière, enfin, fluviale, enfin, de frontalière, voilà, je cherchais le mot. Et donc, cette évacuation de à peu près 300 000 personnes, quand même, hein, ce qui est une grosse exfusion du sang alsacien, s'est effectuée à partir du 2 septembre, et pour partie encore en mai-juin, au moment des combats proprement dits. Et donc eux, en fait, c'est fin août hein, que Doris a trouvé que, disposant d'une voiture, ils n'ont pas attendu l'évacuation. Et donc ils partent à Vichy. Ils partent à Vichy. Pourquoi ils partent à... On pense que c'est peut-être un regroupement familial. Ouais. C'est le hasard. Voilà. Ils ne savaient pas que le gouvernement s'installerait. Non, excusez-moi. Oui. Ils ne savaient pas que le gouvernement s'installerait à partir de mai-juin, s'installerait à Vichy, enfin à partir de juillet pour être exact. Ils partent fin août 39. Et là, c'est la drôle de guerre, et le gouvernement s'installe à Vichy après la défaite, donc après juin 40. Donc on s'est en effet posé la question, pourquoi se mettre dans l'antre du loup, enfin d'une certaine manière. Et en fait, c'est probablement parce qu'il y avait un lien familial. Et donc on fait l'hypothèse que, je redonne la parole. Et David lui-même pense, enfin, il faudrait le prouver, il faudrait que je demande aux archives de Vichy, puisque les parents du papa de David auraient habité à Vichy. Et alors, que fait la famille Epstein alors, Doris? Eh bien, à Vichy. On peut dire qu'ils vivent librement jusqu'en 1943. Raymond travaille, Lily travaille, la maman, sans profession, c'est un travail de maman. Jules dans ses chocolats. Et à un moment donné, il demande même un passeport pour aller à Zurich pour des raisons professionnelles. Il fait une demande de passeport qu'il obtient. C'est le document pour l'instant que j'ai des archives de Vichy. Est-ce qu'on peut dire, en fait, rien n'entrave la circulation de cette famille juive? Du coup, on peut être étonné, puisqu'il y a déjà eu, en 40 et 41, ces lois antisémites. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas de persécution ou de mise à l'écart. Par rapport au statut des juifs, en effet, donc on sait, depuis les travaux de Robert Paxton, hein, Marie-Claire Vitou, qu'il y a un antisémitisme d'État qui n'est pas dicté par l'Allemagne, mais qui émane bien des forces politiques françaises, donc qui sont à l'œuvre à Vichy, et que donc le premier statut des Juifs date du 3 octobre, c'est-à-dire 3 semaines avant la célèbre poignée de main de Montoir. Hein. Bon. Donc dès le 3 octobre 40, il y a un statut des Juifs. Hein. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et donc c'est des hypothèses que je fais, et encore une fois bien des travaux à faire, c'est que les Juifs qui étaient particulièrement menacés par cette législation de Vichy, c'était les Juifs étrangers. Or, les Alsaciens sont des Français, sont considérés comme des Français de la responsabilité du gouvernement de Vichy. Et donc, je pense qu'ils sont presque doublement Français, ce qui pourrait expliquer qu'on les laisse de côté. Par ailleurs, les exclusions professionnelles sont des exclusions qui portent sur les métiers d'avocat, de médecine, sur les métiers de fonctionnaire, ce que ne sont ni les uns ni les autres. Elle est sténodactylose, son père tient un petit commerce. Et je crois que c'est au moment de cette demande de passeport qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les expulser? Ils ont été arrêtés en 1943 par la police allemande sur leur lieu de travail, Lily, puis Raymond. Une arrestation très rapide, sans doute ils n'ont pas eu le temps de préparer leurs affaires. Ils ont été transportés ensuite en prison à Moulins, puis après Drancy. Ma mère habitait avec moi, bien sûr, à 150 mètres de là où habitait Lepstein. Daniel David Gerson. Et ma tante devait être opérée de la vésicule biliaire. Elle n'était pas en bonne santé. Et à l'époque, c'était une opération qui ne se faisait pas comme aujourd'hui. Hein. C'était quand même assez. Donc, on ne pouvait pas l'opérer à Vichy, il fallait l'amener à Clermont-Ferrand. Et les jours qui précédaient ce départ pour Clermont-Ferrand, elle allait tous les jours soigner sa sœur, faire ménage, faire ce qu'il fallait. Et alors, le 6 août 1943, quand elle est arrivée devant la maison où ils habitaient, derrière l'hôtel de ville de Vichy, 6 places de l'hôtel de ville, elle voit la voiture de la Gestapo devant la porte. Et la concierge lui dit « Ne montez pas, les boches sont chez votre sœur. » Et moi, j'étais dans le petit, elle me laisse chez la concierge, j'avais 5 ans. Et puis, elle monte, et elle voit ma tante habillée déjà, avec une petite balise, mon oncle également. Il y avait un milicien et un Allemand. Et elle rentre, elle était très spontanée, comme les Alsaciens le sont souvent. Elle dit « Mais vous voyez pas que cette femme est malade? Qu'est-ce que vous faites là ?» Et l'un des deux, le français, puisqu'il parlait français, il dit « Mais vous êtes qui, vous vous mêlez de quoi ?» Et mon oncle l'a sauvé, et nous a sauvé. Il a eu cette parole, il a dit « C'est l'infirmière. » Elle avait une blouse blanche, parce qu'elle ne voulait pas salir pour le ménage et tout. Et alors, il y en a un des deux qui lui a dit « Partez, ne répétez pas ce que vous avez vu. » Parce que c'était les premières arrestations. Ils avaient peur que ça fasse boule de neige. Et ma mère, là, s'est ressaisie. Elle m'a pris chez la concierge. Elle a couru là où nous habitions à 150 mètres, dans un autre immeuble, une chambre meublée, très modeste. Et elle commençait à faire un baluchon, quelque chose. Et elle avait à peine fait ce baluchon qu'elle entendait des pas dans le couloir. Elle était encore jeune, bien sûr, elle avait présence d'esprit et tout. C'était au mois d'août, il faisait très chaud. Et on était au deuxième étage, séparés de l'autre immeuble par une véranda. Une véranda branlante, d'ailleurs, j'ai été la revoir un peu après. Et donc, les fenêtres de l'appartement d'en face étaient ouvertes. Elle m'a pris dans les bras, un baluchon, et elle a traversé l'appartement. Les gens ont vu, mais ils n'ont rien dit. Il y avait des gens bien aussi à Vichy, il n'y avait pas que... Et donc, elle est sortie de l'autre côté de l'immeuble. Donc, elle m'a mis sur le porte-bagages d'un vélo. C'était le sien ou un autre, je ne sais pas. Je l'ai toujours, d'ailleurs, là, ce vélo, parce que je ne peux pas m'en séparer. Elle est passée voir une amie catholique qu'elle connaissait, qui avait sa mère à 30 km de là, et on a débarqué près de Saint-Pourçain-sur-Sioule, où ma mère m'a laissée pendant toute la durée de la guerre. J'étais cachée par une dame qui m'a appris à lire, qui mériterait d'être juste parmi les nations, mais elle n'a sauvé que moi, et on dit pourtant dans la Bible qui sauve une âme sauve le monde, mais il faut des tas de témoins, c'est très compliqué, un dossier, bon, et puis... Il n'y a pas tellement longtemps qu'on parle de ces Jésus, mais j'aurais bien aimé qu'elle puisse être nommée juste parmi les nations, parce que voilà, je suis redevable de la vie. Voilà. Et ma mère, elle, après, elle m'a laissé là, et elle est partie avec donc, la fille de cette dame, Madame Landré. Elle est partie de nouveau à Vichy, et elle a été exfiltrée, comme on dit aujourd'hui, à la Chaise-Dieu, Haute-Loire, où le maire de la Chaise-Dieu était un chef de réseau de résistance. Il faisait la navette entre Vichy et la Chaise-Dieu parce qu'il avait un garage à Vichy. Et il a sauvé énormément de gens. Et elle a eu quand même une conduite, ma mère, assez héroïque. On n'a pas expliqué que donc, Jeanne et Jules Epstein sont emmenés. Et les enfants sont au travail. C'est-à-dire Lily travaille comme secrétaire dans une boîte de carburant, d'après ce qu'a fait les recherches de Doris Courtois. Et Raymond travaille dans un magasin d'alimentation. Et par quel moyen, je ne sais pas, mais on leur apprend qu'à l'un et l'autre, que les parents sont arrêtés. Didi, je ne sais pas exactement, mais Raymond, il dit « Ma mère est arrêtée, je ne partirai pas. » Parce que le patron voulait le faire partir. Elle a dit « Non, je ne laisse pas ma mère seule. » Et voilà. Et donc, on sait qu'ils ont été emmenés Ils ont été amenés à Drancy par le convoi numéro 60, et puis un mois après, à Auschwitz. Et Doris Courtois, dans ses recherches, m'a appris, parce que ça, j'ai pas su, et je voulais pas le savoir, que Lily et sa maman n'ont pas été immatriculées, parce qu'ils ont été tout de suite gazés. Tandis que le père et le fils ont été dans un camp de travail. Et ils sont morts, le fils est mort avant le père, d'après les recherches qu'on avait faites. On peut dire aujourd'hui Lily et sa maman n'ont jamais été enregistrées dans le camp d'Auschwitz. Ils avaient leur numéro de déportation qu'ils ont eu à Drancy-Auschwitz, mais pas immatriculés à Auschwitz, c'est sûr. Donc en fait, dans ces cas, on sait que les déportés étaient gazés tout de suite. Ils ne sont pas rentrés dans le camp. Très différent pour Raymond et son père, qui ont pu travailler. Donc on a le numéro d'immatriculation. Et très vite, en fait, Raymond ne va pas tenir le coup, puisque un mois plus tard, il est sur les registres de tous les gens qui sont morts, puisqu'il a travaillé à Monowitz. Et donc sur les registres de ceux qui sont décédés, on voit le nom de Raymond avec son numéro d'immatriculation. Donc un mois après le début de son internement, enfin de son travail à la Bouna, à Monowitz, et son papa, qui avait 53 ans, une semaine après, décède aussi. Et Daniel, alors, alors vous êtes petit, hein, vous ben, à l'époque, vous avez 5 ans, mais votre mère vous a raconté aussi une part de cette histoire. Tout le temps, comment ben, écoutez, toute ma vie a été triste parce qu'on parlait sans arrêt de ça. C'était un traumatisme et il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de Noël, ni de Hanouka chez nous, ni de. Il n'y avait rien. Parce que c'était toujours, on pensait toujours, c'est disparu. Elle avait toujours espoir, même insensé, qu'il y en ait un qui reviendrait, qui voilà, c'est ça. C'est... Et vous avez souvenir que, justement, à la fin de la guerre, elle fait des démarches, elle essaie de demander... J'ai tous les archives où elle a fait... Il y avait un bureau de recherche. Je ne sais pas, j'ai mis... Et froidement, on lui répondait... non, je ne l'ai pas là, c'est ailleurs. Mais je peux vous le montrer, que... À un moment, elle avait eu espoir, je me rappelle, on disait qu'il y avait beaucoup de gens dans des asiles de fous, parce que le choc qu'ils avaient subi, et puis finalement, voilà, personne n'est revenu, voilà. Mulhouse, 9 juin 2017. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site DMC pour l'hommage à Marie-Émilie dite Lily Epstein, dessinatrice de mode mulhousienne de confession juive, déportée et décédée au camp d'Auschwitz. Nous accueillons à présent Doris Courtois, professeure au lycée Schweitzer, et ses étudiants pour évoquer leurs travaux. Monsieur le maire, messieurs, madame, après les brassées des fleurs en bouquet ou à plat coloré réalisé par Lily, je vous présente la synthèse de nos recherches autour de la famille Epstein. Entreprendre une recherche est le travail de l'historien qui pose les filtres de la méthode sur la mémoire. Et pour le professeur d'histoire, c'est conduire un travail pédagogique avec les élèves. Au lycée, nous avons élaboré un projet commun en lettres et en histoire avec une classe de première scientifique. Et vous avez travaillé comment, justement, dans les scolaires avec vos élèves? Parce que... En fait, je les ai envoyés là où j'étais par moi-même. C'est-à-dire j'ai fait des micros, des petits micros, enfin des études, enfin une étude sur le terrain avec des tout petits groupes. Et j'ai envoyé quelques élèves chez Eliane. Aux archives? Oui. En fait, ils découvraient les archives que nous avions trouvées. Et puis, en fait, ils faisaient le boulot que je faisais. Pour qu'ils aient une initiation aux archives, leur faire comprendre qu'avec un document, c'est pas encore de l'histoire. Voilà. Vous allez dans Mulhouse aussi dans les... Oui, donc dans la rue d'Ensisheim, voir la maison. Je leur ai donné le plan que j'avais découvert moi-même aussi dans les archives, le plan de la maison. Je leur ai donné d'anciennes photographies et eux devaient voir un peu les transformations dans le quartier, évidemment, pour qu'ils se rendent un peu compte que Mulhouse s'est beaucoup transformé. Et que, par exemple, la grande usine, la Dench, tout près de la rue d'Ensisheim, n'était plus là, remplacée aujourd'hui par des centres commerciaux, la Tour de l'Europe, etc. Voilà, donc c'est comparé, et aussi un travail sur des plans anciens, ce que Lily a pu, dans quel quartier elle vivait, ce qu'elle a pu voir, ce que les élèves voient, mais qu'on ne peut plus voir, les traces encore. Donc c'était une enquête sur le terrain. D'autres élèves sont allés à la synagogue, ont rencontré le rabbin, ont questionné sur les communautés juives, posé des questions sur la synagogue, sur, voilà, des choses comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie. Lily Epstein, on a entendu ce nom tout au long de l'année. Mais pour mettre plus qu'un visage sur ce nom, nous nous sommes rendus aux archives municipales de la ville de Mulhouse. Nous y avons trouvé un livre intitulé « École d'art professionnelle de jeunes filles ». Il répertoriait toutes les jeunes filles qui ont fait leurs études. On pouvait y voir différents sujets, tels que les mouchoirs, les dessins géométriques ou encore les étoffes, tous notés sur 3. Il y avait également une appréciation sur chaque jeune fille. Elle avait toujours de bonnes notes, entre 2 et 3 sur 3. Sur ses 3 années d'études, Lily n'a aucune absence. Cependant, elle a seulement eu la note de 1 sur 3 en comportement. Élève peut-être bavarde, vivante et sérieuse à la fois, nous avons apprécié découvrir sa vie via son cursus scolaire. Merci. Et du coup, quand, avec mes élèves, on a été sélectionnés pour aller à Auschwitz. C'était clair pour moi tout de suite, et j'ai dit aux parents, j'ai dit aux élèves, en fait, on ne va pas à Auschwitz pour aller dans un musée, on va à Auschwitz pour être là, là où Lily a perdu la vie, aller au bout de sa vie. Donc, Chanézé et moi allons vous présenter la lettre de Lily Epstein. Lily, durant sa détention, était dans l'ignorance totale. Elle est inconsciente de son avenir, de ce qui pouvait et de ce qui arriva un mois après. Ainsi, durant cette période, elle envoyait une lettre à une femme afin qu'elle lui fournisse des habits et des nécessaires. Moulin, le 9 août. Chère madame, je m'excuse de venir vous importuner, mais n'ayant pas eu le temps de me munir de linge, je vous serai très obligée de bien vouloir m'envoyer des culottes, une combinaison pyjama, chemise de nuit, serviette de toilette, brosse à dents et dentifrice, savon ou savonnette, un pot de crème de Vichy et poudre Caron dans ma chambre, des bas, une gaine ou des jarretières, mon tailleur bleu marine et un pull au vert ou chemise en laine, des serviettes hygiéniques et une lavette, du fil et des aiguilles. Le vendredi est le jour où nous pouvons recevoir du linge. Maman est avec moi, ainsi nous sommes contentes. Maman n'a pas de manteau ici. Raymond et papa sont aussi ici, mais nous ne les voyons pas. Nous sommes avec 4 dames et ne sommes pas mal. La nourriture aussi est assez bonne. Maman n'a pas ses médicaments, mais sa santé va à peu près. Je vous remercie de tout. Nous n'avons pas le droit de recevoir de paquets à part le linge, et seuls ceux que l'on porte à la Croix-Rouge pour les prisonniers de Moulins. Seriez-vous assez gentil d'envoyer un mot à Mademoiselle Reinwucker, 36 avenue Carnot, Besançon, et lui dire que je suis ici. Merci mille fois, toutes mes amitiés à Denise et tous les amis. Je vous embrasse bien tous. Lily Epstein. Ça a été une, ça reste une quête, mais voilà, qui s'est concrétisée par une exposition, un Andru, enfin voilà. Écoutez, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer, parce que l'exposition, ça m'aurait suffi. Ces dessins ont été connus, ils reviennent à Mulhouse, sa ville natale, c'est très bien. Et puis ensuite, cet enchaînement de gens qui se sont passionnés, et au cours du vernissage, Monsieur Jean Rottner, maire de Mulhouse, me dit « Que penseriez-vous si la ville de Mulhouse donnait un nom de rue à votre cousine ?» Moi, je dis « Ça serait un très grand honneur, bien entendu. » Mais en moi-même, je me suis dit « Les paroles des politiques n'engagent que ceux qui les entendent. » Mais M. Rottner a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Il y a eu un référendum d'initiative populaire sur Internet où il a proposé trois noms de personnes, trois noms féminins ayant contribué à l'industrie textile de la ville d'une façon ou d'une autre. Allez, on va dire. Et c'est Lily qui est arrivée en tête. Pour nous, communauté israélite de Mulhouse, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, jusqu'à présent, disons dans la ville... Henri Metzger, président de la communauté israélite de Mulhouse. On a le monument qui se trouve au cimetière israélite de Mulhouse, qui a été financé, semble-t-il, j'étais pas né à l'époque, mais après la guerre, a été financé par la mairie de Mulhouse, où les noms des disparus sont inscrits. Combien environ ? Alors, il y a plus de 400 personnes disparues à Mulhouse du fait qu'elles étaient juives. Je ne sais pas s'il y a des tziganes ou ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plus de 400 personnes juives qui ont été dénombrées. On est en train de faire un travail pour compléter cette liste. Et donc, dans la ville, les seules traces qui existaient, c'est depuis l'an dernier, grâce là aussi à une action commune de la communauté israélite et de la ville, on a mis une plaque à la mémoire du grand rabbin Hirschler, qui, avec sa femme, ont disparu à Auschwitz après avoir eu fait vraiment de la résistance, etc. Mais sinon, on n'avait pas de traces. Donc, cette rue Lili Epstein est pour nous un premier signe, un premier moment d'une reconnaissance, mais aussi d'un travail de mémoire qui doit concerner les jeunes générations. Parce que vous savez que la situation est complexe pour les Juifs en France, qu'il y a des choses, le négationnisme existe. Mulhouse est une ville jeune avec une population immigrée très importante, et donc c'est une des, au point de vue des moins de 20 ans, c'est une des, avec Marseille, c'est pratiquement la ville la plus jeune de France. Donc il est important que tout ce qui permet de raconter l'histoire, de dire ce qui s'est passé, c'est important qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Ben voilà, on est à l'entrée du cimetière israélite de Mulhouse. C'est ici que je viens avec David, parce que nous allons ensemble sur la tombe de sa maman. Et donc à l'entrée, il y a un monument assez grand qui liste tous les noms des gens qui ont été déportés entre 1939 et 1945. Donc tous les noms y figurent ici. Et on reconnaît, enfin on lit Epstein, Jules, Jeanne, Lily et Raymond. Et là, Doris, nous allons aller sur la tombe. Sur la tombe de sa maman. Donc Marthe. Donc Marthe Gerson, qui est décédée, elle n'avait pas tout à fait 100 ans. Voilà, nous voici autour, voilà la tombe de la maman de David, Marthe Gerson, née Bernheim, 1904-2004. Puis David a tenu à faire graver sur cette dalle les noms de la famille Epstein. Donc nous lisons en mémoire de nos déportés, Jeanne Epstein, née Bernheim, 1896-1943. Jules, son mari, Epstein, 1890-1943. Leurs deux enfants, Lily, née en 1920, et Raymond, en 1922. Tous les deux, comme leurs parents, morts à Auschwitz. Ils sont partis par le convoi numéro 60. Alors quand David vient ici, il a toujours dans son sac, dans un sachet, des cailloux qu'il prend chez lui, dans sa maison, enfin dans le jardin, autour de la maison à Chel, et vient les déposer ici. Et dit quelques prières en hébreu, prières pour les morts. Et puis nous sommes ensemble et je partage avec lui ses prières. Oh. Merci à Doris Courtois, Daniel David Gerson, Jean-François Keller, Henri Metzger et Marie-Claire Vitou. Merci également à Eliane Michelon, responsable des archives municipales de Mulhouse, et à tous les élèves de première S du lycée Schweitzer. Prise de son, Laurent Lucas et Élodie Royer. Mixage, Éric Boisset. Les fleurs retrouvées de Lily Epstein, un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard. Voilà donc pour ce documentaire signé Séverine Liattard et Séverine Cassard et cette redécouverte par la ville de Mulhouse du destin de Lily Epstein. Demain, nous continuons notre série consacrée à l'histoire des jeunes filles en nous intéressant à la façon dont on a contrôlé leur vie et leur sexualité au 19e siècle. Vous pouvez bien entendu continuer à discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.